sorti pour briller, donc j'ai tout nié. Je pourrais t'aimer toute la vida, mais bon, je vais t'oublier. J'étais à terre, je suis resté le même avec un gros billet. Bye bye, tu peux te rhabiller, j'ai la peufra dans la sacoche. Je resserre à gauche, je suis dans un film sous les sirènes toute la nuit. J'ai mon cœur et à ma poche, qu'elle s'accroche. Il me faut du cash que je mette en Burberry et mes deux bébés. Il me reste du chic sur moi, mais je vais en faire un gros. Nerveux, je peux t'en vouloir pour un oui, pour un non. Le moteur fait du bruit, je viens de Milano. Tu veux que je reste, mais je suis pas né à Miami. On vit la noche, j'ai pas besoin de chance. Je fais des sous et je danse. Hier j'étais fauché. Aujourd'hui je dépense. M'en fous de ce que tu penses. J'ai la tête dans mes projets. Et la main sur son boule de la tuna. Je ne lâcherai pas jusqu'à la matinale. Malogué, non, je lui ai fait la magie noire. Je lui ai fait de la magie noire et parlé de mariage. Me noter dans le balio, tête baissée, mais lié. Je vais te garder au chaud comme la balle dans le barrière. Tout peut arriver. Je vois le monde en violet. J'allais cambrioler. Avant tu m'ignorais. Maintenant tu viens miauler. Va à ta vie, ah ouais. Pourquoi tu cries à l'aide? Je me disais si j'avais zoné, je tournais, je pivotais. Non, je suis pas là. Je suis pas là. 25 balles, c'est moi, j'y pas là. Je suis dans le GLE. Je suis sous canard. Elle est trop belle. C'est une chez